Ça qui est vrai. Pourquoi ne pas se pardonner? Abba, la vie est sacrée, oh, Abba, pour la protéger. Abba, à bout de tout à pleurer, Abba, pacifique à chanter, Abba, à capella chanter, Abba, et dit à pleurer, oh, Aya Nové la paix. Eh, hey, y'a moi la y'a Dio, c'est Zeke, et moi y'a couillé là. Bon, allez, on veut plus. À quoi vous voulez? Faisons la paix. Ah. Non, on veut s'amuser. Ah. Arrêtez-moi ce fusil là. C'est ça qui est la vérité. Arrêtez-moi ce fusil là. C'est notre pays. Non, on veut s'amuser. Arrêtez-moi ce fusil là. C'est notre pays. Non, on veut s'amuser. Arrêtez-moi ce fusil là. C'est notre pays. Celui qui veut les détruire sera puni par le Seigneur. Ou bien, qui a dit? C'est dans la paix qu'on arrive à construire un avenir meilleur. La main dans la main. Préserver l'héritage de Papa Oufoué. Aïe, Kenny, non, mais s'amuser. Arrêtez-moi ce fusil là. Non, mais s'amuser. Arrêtez-moi ce fusil là. Non, mais s'amuser. Arrêtez-moi ce fusil là. Arrêtez, yé, yé. Non, mais s'amuser. Arrêtez-moi ce fusil là. On est fatigué. Non, mais s'amuser. Arrêtez-moi ce fusil là. Les enfants pleurent. Non, mais s'amuser. Libérez la Côte d'Ivoire fatiguée. Arrêtez-moi ce fusil là. À quoi n'est pas? Arrêtez votre fusil là.